tu veux sera à la zone. J'suis comme je suis, j'peux pas plaire à tout le monde. Rien qui manque les gens pour moi c'est une honte. Renie jamais la Honda. J'suis tendu là, faut que j'me détende. J'vois les petits qui veulent presser la détente. J'ai vu tant de fils de qu'ils aillent se faire foutre. J'en ai marre là, j'veux qu'ils l'entendent. Ils aimeraient mettre des clous sur ma roue. Côté passager, un joint ça roule. Ça fait les sous maintenant on se barre. Pendant que les flics veulent me suivre en Subaru. Pourquoi tu nous fais ça à nous? Maintenant j'suis même plus dans ma loue. Et toi pourquoi tu fais ta maline? On m'a dit que tu faisais la folle à salou. Tous les ghettos, tous les ghettos. Ça se méguetta, ça veut plus que le veto. Comme ils sont tombés, la juge les a plombés. À cause de leur avenir dur de le fonder. Ça rabat les clients au guettage. Au guettage. Ils insultent la juge. Beaucoup regrettent quand ils finissent dans des cages. Ils me cherchent ces petits cons là. Ils parlent des choses qu'ils n'ont pas. Se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Moi je peux pas faire un faux pas. Je peux pas, je peux pas. Je peux pas, je peux pas. Je peux pas, je peux pas. Je peux pas, je peux pas. J'aimerais voir la vie en rose. Pouvoir te redire I love. Pouvoir t'offrir toutes ces choses. Retrouver le sourire à l'homme. Je peux pas, je peux pas. Je peux pas, je peux pas. Je peux pas, je peux pas. Je peux pas, je peux pas. Que tu voles, que tes cartes volées. Tu as quitté l'école, t'étais tout le temps collé. Tu te mets dans l'alcool, que tu frôles la tôle. Tu pars en couille, tu te mets à lever ta folle. Aujourd'hui j'en rigole. Hier j'en pleurais, passé sans bol, les souvenirs vont s'envoler. On joue pas des rôles, juste s'en sortir sans voler. Franchement, MC, désolé. Je vois les petits dealer. Toute la journée que ça compte les barrettes. Soit la fuite, sinon le flic il t'arrête. Je vois les grands ce qu'il est. J'ai vu des gens partir pour elle. J'ai vu des gens souffrir pour elle. Je vois les petits. Moi je peux pas faire un faux pas. Je peux pas, je peux pas. Je peux pas, je peux pas. Je peux pas, je peux pas. Je peux pas, je peux pas. J'aimerais voir la vie en rose.